drogue, femme et d'homme. S'imagine love à la vie, pauvre la vie que je donne. Prouve-le sans le mais, tous mes espoirs rêvent que soit faux. Surtout quand tu chuchotes, t'inquiète, moi je t'ai mis à fouille. Et quand je t'interroge, qui est ce phone, t'hésites à me répondre pour me pondre. Un truc léger style, quel putain de c'est qu'un ami. Je t'ai dit c'est toi que j'aime, les autres toi que j'aime, c'est que le ciné et le resto, pourquoi ça te gêne? Ce gadget autour de mon cou, m'en fous, c'est toi que j'aime. Mais c'est la même promesse de chaque fille à chaque mec, le même speech pour se mettre ensemble, même pour ne plus l'être. Tu vois, à chaque fois que tu me mens et qu'on s'embrouille à ces moments, tu me rappelles ce jour où tu partiras. La magie des premiers jours. À mes ex, rien d'affection hormis le sexuel. Ce fut formidable au début. Au début, c'est souvent formidable. Puis ça vire à l'ordinaire, l'amour meurt. On s'écarte, on s'y merde et les larmes partent. Et on se tape comme des chiffons devant les gosses. L'amour, c'est faussement beau et même moche. Les yeux se laissent aller comme une éponge gorgée d'eau. Assise le coude sur la cuisse, la joue sur la paume. Une goutte glisse de la joue et tombe sur le sol. Elle subit comme celle qui aime quelqu'un qui ne l'aime plus. Son prochain ex-mec vient et lui dit ne pleure plus. Arbre de vie, mes rimes profondes dans la tristesse sont les racines. Stop tout de suite tous ces chichis. Ton doute sur nous deux poupées nous assassine. Comme ce jour où tu partiras. La magie des premiers jours. Je...